حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فما زلنا في دراسة سيرة نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Nous sommes toujours dans l'étude de la biographie de notre noble prophète et messager Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu la semaine passée que le prophète sallallahu, ou bien nous sommes arrêtés la semaine passée sur le fait qu'à l'âge de 35 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé avec Quraysh à la reconstruction de la Kaaba. Il y a un frère, Jazakallahu Khayran, qui a offert certains livres, ou bien qui m'a remis certains livres, il a commandé, afin de les offrir à certains parmi les élèves. Et celui qui mémorisera, Inch'Allah Ta'ala, le matn, eh bien, Al-Urjouza, lui sera offert, Inch'Allah Ta'ala, le livre. Et il y en a quelques-uns. Et j'espère qu'ils ne seront pas suffisants devant le grand nombre de personnes qui auront mémorisé le poème. Et on avait dit qu'il fallait mémoriser avant Mada, ou bien jusqu'au passage de la citation des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui nous rappelle le nombre d'enfants qu'a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah. 7 enfants. Naam, 7 enfants. De qui est-ce qu'il a eu ces enfants? Abdurrahman. De Khadija. Jazakallahu khayran. Barakallahu fik. Est-ce que tous ces enfants, il les a eu de Khadija? Excepté un. Lequel? Yanis. Ibrahim. Ibrahim est l'enfant de qui? Maria al-Qubtiya, ta'al huna. Ahsan Allahu ilayk. Combien de filles a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Indak. 4. Combien de garçons a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Indaman. Comment? 3. Barakallahu fik. Donc en tout, il a eu 7 enfants. 4 filles et 3 garçons. Comment s'appelle son premier enfant? Comment s'appelle le premier enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Al-Qasim. Al-Qasim est décédé à quelle époque? Al-Muraja'atu, qala al-ulama, al-Muraja'atu ahammu min al-hifz. Les savants nous disent que la révision est plus importante que la mémorisation. Si régulièrement on révise, et ensuite avant de commencer le cours on révise, bi'idhnillah, à la fin de l'étude de ces vers, on va maîtriser, inshallah ta'ala, et avoir une très bonne connaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui est-ce qui répond à cette question? Naam. Fil jahiliya, il est décédé avant l'islam. Naam, quels sont, ou bien le naam, les noms de ses filles? Premièrement, Zainab, il a eu qui aussi? Andaman. Ruqayya, il a eu qui encore? Umm Kulthoum. Et sa dernière fille? Fatima. Fatima, radiallahu anhun. Kulluhunna aslamna. Elles sont toutes entrées en islam. Wa hajarna. Et ont fait l'Égypte. Et les savants divergeaient, quelle est la dernière de ses filles? Est-ce que c'est Umm Kulthum ou bien est-ce que c'est Fatima? L'auteur a choisi la vie, ou bien la vie prépondérant auprès de lui, et que c'est Umm Kulthum. Et d'autres savants disent que la dernière était Fatima, radiallahu anha. Quant à ces garçons, il a eu, comme nous l'avons cité, Al-Qasim, wa bihi kuni, na'am, et c'est la kunya qu'il a prise de lui, Abu Al-Qasim. Il a eu ensuite, indaman, après Al-Qasim, il a eu qui? Hein? Indaman. Naam. Abdullah. Et on le surnomme également Al-Tayyib et Al-Tahir, car il est né dans l'islam. Et son dernier fils se nommait Ibrahim, qui n'est pas de Khadija, mais qui est de Maria. Mais qui est de Maria, Jariyatu. Naam. Ils sont tous décédés de son vivant. Ils sont tous décédés de son vivant. Excepté un parmi ses enfants. Qui? Fatima. C'est pas Fatima, c'est Fatima. Fatima, radiallahu anha, est décédée 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha nous raconte que alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle en train de se faire soigner, Ja'at Fatima, c'est alors que Fatima est venue. Mishyatuha la tukhti'u mishyat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit que sa démarche était exactement comme la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam marhaban bibnati wa ajlasaha. Puis il a dit « Bienvenue à ma fille » et il l'a fait s'asseoir à ses côtés. Il l'a fait s'asseoir à ses côtés. Elle disait « Wa karba abata, oh combien mon père souffre » car c'était les derniers jours de sa vie, il souffrait énormément. « Wa kana yatasabbar sallallahu alayhi wa sallam » Puis il lui a dit « Tranquillise-toi, ton père ne souffrira plus après ce jour. »« Asarraha bi kalima fabakat » Puis il lui a dit une chose dans son oreille sans le faire entendre aux autres. Fafadat aynaha, puis elle a fondu en larmes. Thumma asarraha marratan thaniya, fadhahikat. Puis il lui a dit un autre secret et elle s'est mise à rire. Alors suite à cela, Aïcha radiallahu anha lui a dit, yani plus tard, que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qalat ma kuntu li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fatima radiallahu anha a dit, il ne me convient pas de dévoiler le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard après son décès, Aïcha est partie retrouver à nouveau Fatima radiallahu anha et lui a dit, désormais je te demande par le droit que j'ai sur toi, que t'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle s'est étonnée sur le coup. Elle a dit, je n'ai jamais vu une tristesse aussi proche d'une joie. Et elle s'est mise à pleurer juste après elle arrive. Alors Fatima lui a dit, désormais oui, je vais t'informer de ce qu'il m'a dit. La première fois, il m'a dit, Amada, qu'il, yani, que Jibril alayhi salam lui enseignait le Coran chaque année une fois. Et cette fois-ci, il lui a enseigné 2 fois. Et il voit à travers cela un signe quant à ça. Yani sa fin, il va décéder très prochainement. Naam, alors elle a fondu en larmes. Puis il lui a dit, ne serais-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes du paradis? Alors je me suis mise à rire. Et elle est décédée après lui, 6 mois après. Elle est décédée 6 mois après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكل في حياته ذاك الحمام الحمام الموت وبعده فاطمة بنصف عام et après lui six mois après la moitié d'une année Fatima c'est-à-dire qu'elle est décédée وبعد 35 حضر après 35 années il a assisté c'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint 35 années de sa vie بنيان بيت الله لما أندثى la construction de la demeure d'Allah lorsqu'elle s'est abîmée. La construction de Baytullah, c'est-à-dire Al-Ka'ba, lamma andahar, lorsque la Ka'ba s'est abîmée. Wa hakkamuhu wa radu bima hakam. Ils l'ont pris en tant que juge et ont agréé son jugement. Wa fi wad'i dhaka al-hajar al-aswad tham. Et donc, ils ont agréé son jugement lors de la pose de la pierre noire. Lors de la pose de la pierre noire. Huna yadhkuru al-mu'allif rahimahullah ta'ala qissata bunyan baytillah al-haram. Ici, l'auteur Ibn Abi al-'Izz rahimahullah ta'ala nous cite l'histoire de la construction de la Kaaba. Pas sa première construction, na'am, mais ce qu'on pourra appeler la rénovation de la Kaaba. Kama ta'lamuna jami'an, Mekka kana wadiyan. لا يوجد فيه ماء ولا زرع ولا ثمار فجاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى وتركهما في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم Donc Ibrahim عليه السلام suite à l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى est venu à Mecca avec Hajar, la mère de Ismaïl, et son Ravir, et son enfant Ismaïl. Et cette ville, Mecca, n'était pas comme on la connaît de nos jours. Mais il n'y avait rien, comme Allah nous l'a décrit dans le Coran, dans Sourate Ibrahim et dans d'autres endroits du Coran, il n'y avait ni eau, ni culture, ni fruits, il n'y avait rien. Mais Ibrahim alayhi salam s'est soumis à l'ordre d'Allah. Hajara min al-Iraq ila al-Sham, thumma min al-Sham ila Mecca. Et Ibrahim alayhi salam a fait l'égir et est parti de l'Iraq jusqu'au Sham. Lorsque ses proches ont mécru et son peuple l'ont rejeté. Ensuite, de Sham ila Misr. Ensuite, du Sham jusqu'à Misr, où il a eu l'épreuve avec son épouse Sarah. Il est parti après Shoul Tawhid. Et dans cet endroit, il y avait un gouverneur injuste qui avait pour habitude, lorsqu'il voyait une femme qui lui plaisait, de tuer son époux et de prendre cette femme pour faire ce qu'il voulait d'elle. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit, si on te questionne, ne dis pas que je suis ton mari, mais dis que je suis ton frère, car certes, je suis ton frère en islam. Chose qu'elle a faite, et Allah azza wa jal a repoussé d'eux cette grande épreuve, il a préservé Sarah et son honneur, radiallahu anha. Par la suite, il lui a donné en servante Hajar. Et Ibrahim, alayhi salam, n'avait pas eu d'enfant de son épouse Sarah. Alors Sarah, radiallahu anha, lui a donné Hajar en espérant que Ibrahim, alayhi salam, malgré son âge très avancé, puisse avoir de Hajar une descendance pieuse, tout comme il l'espérait tant. Alors Ibrahim alayhi salam, ou plutôt Allah azza wa jal, a accordé à Ibrahim alayhi salam son premier fils Ismaïl, qu'il a eu de Hajar. Et Hajar et Sarah cohabitaient. Puis lorsqu'il y a eu cette naissance, Sarah a été touchée d'une grande jalousie, ce qui est tout à fait normal. Puis, elles se sont séparées et Ibrahim alayhi salam est parti avec Hajar et son enfant selon l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a déposé Hajar et Ismaïl à Mecca. Et ceci est l'histoire de la naissance de cette ville ou de la construction de cette ville. En partant, il a invoqué « Rabbana inni askantu min dhurriyati fi wad » « Ô mon Seigneur, j'ai mis une partie de ma descendance dans cette vallée « Ghayri fi zara » où il n'y a aucune culture « Inda baytika al-muharram » auprès de ta demeure sacrée. Puis il est parti. Et lorsqu'il s'en est allé, Hajar l'appelait au Ibrahim. Et Ibrahim ne se retournait pas car il suivait l'ordre d'Allah. Puis elle a réitéré sa demande jusqu'à lui dire « Allahu amaraka bihada » « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il a répondu ou bien a fait un geste de la tête « An-na'am » pour dire oui. Elle a dit alors « Il ne nous abandonnera jamais. » Alors, il ne nous abandonnera jamais. Il l'a laissé avec un récipient contenant de l'eau, une autre contenant de l'eau, et un récipient contenant quelques dattes. Puis, il est parti. Et lorsque ses provisions se sont épuisées, elle a cherché le mont le plus proche, et c'était As-Safa. Elle s'est avancée jusqu'à As-Safa et a cherché de l'aide. Elle n'a trouvé personne. Alors, elle a avancé jusqu'au second mont le plus proche, et c'était Al-Marwa. Et au milieu, puis Batni al-Wadi, au milieu de la vallée, elle a couru, jusqu'à arriver à un certain endroit, elle a marché, puis elle est montée à Al-Marwa, elle a cherché de l'aide. Et elle a fait en tout 7 allées, entre As-Safa et Al-Marwa. Entre As-Safa et Al-Marwa. Au 7e allée, elle a désespéré de recevoir de l'aide de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque, comme le dit Cheikh Atiya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala dans son charh de l'Arba'in al-Nawawiyyah, lorsqu'elle a désespéré de recevoir de l'aide de tout autre qu'Allah et qu'elle a vidé son cœur de tout autre qu'Allah azza wa jal, Allah lui a accordé le secours. C'est alors que Jibril alayhi salam est venu, elle a entendu un bruit, elle a dit sahm. Sah, c'est un ordre pour dire silence. Elle se dit ça à elle-même pour qu'elle ait une bonne oreille, une bonne écoute. Elle a entendu un bruit et elle a dit « Aide-moi s'il y a quelqu'un ». Et Jibril alayhi salam a tapé le sol et l'eau de Zamzam, la source de Zamzam, a jailli. Et Hajar radiallahu anha a essayé de retenir de la sorte l'eau pour pouvoir récupérer le maximum d'eau. À ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Yarhamullah umma Ismaïl » qu'Allah fasse miséricorde à la mère de Ismaïl. Celle n'avait pas retenu ainsi l'eau. Au jour d'aujourd'hui, l'eau de Zamzam serait un fleuve. Au jour d'aujourd'hui, l'eau de Zamzam serait un fleuve. Par la suite, elle s'est abreuvée et a pu pas allaiter son enfant qui pleurait par Yanni qui était assoiffé. Puis, il y a eu la tribu de Jurhum. Ceux de qui Ismaïl alayhi salam a appris et développé la langue arabe. Naam, Ismaïl alayhi salam a appris l'arabe de ce peuple. Le peuple de Jurhum. Ils sont arrivés et ont vu cette eau. Ils ont demandé la permission à Hajar d'avoir accès à l'eau. Elle leur a dit oui, mais vous n'aurez aucun droit sur cette eau. Ils ont accepté. Naam, ils l'ont respecté et ont tiré profit de cette eau. Donc Ismaïl alayhi salam a grandi auprès d'eux. Et c'était l'enfant le plus intelligent, le plus brillant. Il a donc grandi auprès des leurs et s'est marié de ce peuple-là. Il s'est marié dans ce peuple-là. Plus tard, Ibrahim alayhi salam est revenu et il a demandé auprès, yani au sujet de son fils, et on lui a indiqué sa demeure. Il a frappé et il a demandé où est Ismaïl. Son épouse a dit qu'il est sorti, puis il lui a posé des questions sur leur situation, sur leur vie. Et elle s'est plainte. Une âme, elle a cité des plaintes. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit, lorsque ton époux revient, dis-lui qu'il change le pas de sa porte. Naam, kinaya anit talaq. Naam, en réalité, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, dis-lui qu'il te divorce, tu n'es pas une femme digne d'être son épouse. Naam. Puis lorsqu'Ibrahim a.s. est revenu, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Il lui a dit, décris-moi cet homme. Elle lui a décrit, il a dit, c'était mon père. Et il m'a ordonné de te divorcer. Il l'a divorcé. Plus tard, Ibrahim a.s. est revenu à nouveau pour visiter son fils. Il ne l'a pas trouvé chez lui, il a questionné son épouse sur leur situation et leur mode de vie. Alors elle a remercié Allah Azza wa Jal, elle a fait ses éloges, et elle a dit qu'ils vivent de la meilleure des façons, et a fait les éloges de son époux. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit, lorsque ton époux revient, dis-lui de maintenir le pas de sa porte. Lorsqu'il est revenu, elle lui a raconté l'histoire, et lui a dit, c'est mon père, et il m'a ordonné de te garder. Pourquoi? Car c'était une femme reconnaissante devant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et celle qui est reconnaissante devant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal le sera par la suite envers son époux, et elle sera apte à être le meilleur des secours pour son époux, qui sera amené à avoir une très grande responsabilité. Puis Ibrahim alayhi salam a rencontré son fils Ismaïl, et il s'est passé ce qui se passe lors des retrouvailles entre le père et son enfant. Ils se sont embrassés et il lui a demandé de ses nouvelles, et il l'a informé d'une grande chose. Il lui a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait ordonné la construction de sa demeure à cet endroit. À quel endroit? Où vivait Ismaïl? À Mecca. Naam, Ismaïl vivait à Mecca. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est revenu à Mecca, a informé son fils Ismaïl alayhi salam qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait donné un ordre. Quel est cet ordre? De construire Al-Ka'ba. De construire une demeure où Allah azza wa jal sera adoré, vers laquelle les serviteurs se dirigeront pour effectuer Al-Hajj. Alors Ismaïl alayhi salam a dit, if'al ma amaraka rabbuk, fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. Et ça n'est pas la première fois que cet enfant pieux s'est entraîné avec son père Ibrahim alayhi salam dans la piété, comme on le trouve dans le Coran. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم, ça n'est pas la première fois où Ismaïl عليه السلام s'entraîne avec son père Ibrahim عليه السلام. En effet, lorsque Ibrahim a dit à son fils qu'il se voit régulièrement en rêve en train de l'égorger, de le sacrifier, Ismaïl lui a dit, « Oh mon cher père, fais ce qu'il t'a été commandé, et tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. » Tous deux se sont soumis à Allah, tabaraka wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, après son fils. Naam l'a tourné et s'est apprêté à le sacrifier. Et Allah azza wa jal a abrogé cet ordre, et il lui a remplacé par une bête cornue, par un bélier cornu. Et voici comment Ismaïl alayhi salam était un enfant soumis à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le cœur rempli d'endurance. Naam. Et c'était la meilleure descendance de son père, du meilleur des pères Ibrahim alayhi salam. فَهَاكَذَا الْوَلَدُ يَتَعَاوَنُ مَعَ وَالِدِهِ. C'est ainsi qu'il convient à l'enfant de s'entraider avec son père. عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Donc, ils ont commencé la construction de la Kaaba. Ismaïl allait chercher les pierres et les donnait à son père Ibrahim. Ibrahim, lui, plaçait les pierres. Et ils invoquaient Allah, comme Allah nous le dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 127. Ils disaient, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Oh Allah, accepte cela de nous. Tu es certes l'audient, le savant. Et certains parmi les pieux prédécesseurs disaient qu'ils n'ont pas dit cela après avoir complété la construction. Mais certains ont dit, à chaque pierre qu'ils posaient, ils demandaient à Allah Azza wa Jalla l'acceptation. C'est pour cela que l'un des pieux prédécesseurs a dit, Subhanallah, exempté soit Allah de tout défaut. Ibrahim et Ismaïl, Khalil al-Rahman et son fils, construisent Baytullah, la demeure d'Allah, bi amrin min Allah, selon l'ordre d'Allah, wa yatlubani min Allah al-qabul, et malgré ça, ils demandent à Allah d'accepter cela d'eux. Yani, c'est un messager. C'est le meilleur des messagers et prophètes à son époque. Personne ne l'a précédé dans ce niveau, dans la perfection, dans le khulla. Et seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après lui sera meilleur que lui. Et malgré ça, il demande à Allah, après avoir agi avec excellence, d'accepter cette action-là. Il a peur qu'Allah n'accepte pas cela de lui. Plus encore, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ. Oh Allah, fais qu'on soit musulmans. Subhanallah, ils ont peur pour leur islam. Ils demandent à Allah tabaraka wa ta'ala de les préserver sur l'islam. وَهَذَا مِنْ كَمَالِ التَّوْحِيدِ. Et ça, ça fait partie de la perfection du tawhid. قَالَ الْمُجَدِّدِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَابَ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ. Comme a intitulé le grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans le meilleur des livres qu'il a écrit, Kitab al-Tawhid, Bab al-Khawf min al-Shirk, le chapitre de la crainte du polythéisme. Et il nous cite le verset de Surat Ibrahim, Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam, Rabbi innahunna adlalna kathiran min al-nas. Ibrahim alayhi salam invoque Allah azza wa jal afin qu'il éloigne lui et sa descendance de l'adoration des idoles. C'est ainsi qu'ils ont construit la Kaaba. Lorsque l'édifice s'est fait trop haut pour l'atteindre avec ses mains, Ibrahim Ismaïl alayhi salam a ramené ce sur quoi son père allait s'appuyer, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. Naam, et il y avait la trace, les empreintes de ses pieds. Et à l'époque, Maqam Ibrahim était très proche de la Kaaba. Puis à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il l'a éloigné pour faciliter l'adoration d'Allah et pour faciliter le tawaf et pour ne pas gêner les gens. Et pour faciliter la salat. Naam, pour faciliter la salat. Donc, il lui donnait les pierres et il les posait au-dessus. Lorsqu'ils ont fini cet édifice, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim de faire l'adhan. L'adhan pourquoi? Est-ce que c'est l'adhan pour la salat? Non, dans Surat al-Hajj, l'adhan pour le Hajj, l'adhan pour le pèlerinage, l'adhan pour le Hajj ila baytillah al-haram. Wa adhin fi an-nas bil Hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hajj, le verset 27, a ordonné à Ibrahim alayhi salam de faire l'adhan, de faire l'appel au pèlerinage, afin que les gens accourent de toute contrée, que ce soit à pied ou sur des montures. Il est venu dans un texte qu'Ibrahim alayhi salam a dit, mais comment est-ce que ma voix pourrait atteindre les gens? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ta responsabilité est de faire l'adhan. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui propagera cet appel. Et regardez au jour d'aujourd'hui, Allahu Akbar, lors du pèlerinage, les gens répondent à l'appel d'Ibrahim alayhi salam, à son adhan, et disent, labbaik Allahumma labbaik. Que signifie cette parole? Cette parole du tawhid. Cette parole signifie « Je réponds à ton appel, oh Allah. Je réponds à ton appel, oh Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Je réponds à ton appel, oh Allah. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel. Tu n'as aucun associé. Certes, toutes les louanges et la royauté te reviennent de droit. Tu n'as aucun associé. C'est ainsi que celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé cette grande adoration se dirige vers Baytillah al-Haram afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Il est rapporté que Ibrahim alayhi salam est monté sur une montagne qui est proche de Mecca qui s'appelle Abu Qubays. Il est monté sur cette montagne et ou bien d'autres ont dit sur As-Safa et il a fait cet appel. Il a fait cet appel en disant « Ayyuhan nas, ô vous les gens, inna rabbakum bana lakum baytan fahujju. » Qu'est-ce qu'il a dit? « Ô vous les gens, votre Seigneur a fait cet édifice, cette demeure, cette maison. Alors effectuez le pèlerinage. فأسمع الله سبحانه وتعالى نداءه. Allah Azza wa Jalla fait entendre aux gens cet appel. Et c'est pour cela que lorsqu'on fait l'Umra ou bien le Hajj, on prononce cette talbiya, comme l'a raconté Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Plus tard, Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils ont fait dua et ont demandé à Allah Azza wa Jalla de mettre dans leur descendance un pieux parmi les prophètes qui propagera le bien. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dans sourate Al-Baqarah verset 129, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ô notre Seigneur, et envoie parmi eux un messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera. Tu es certes le puissant et le sage. Fa'asha Ismaïl alayhi salam bi diwar al-bayt. Ismaïl alayhi salam a vécu proche de la Kaaba, a vécu à Mecca ou dans ses alentours jusqu'à son décès. Et la Kaaba a donc été construite par qui? Par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl. Ce sont les premiers à avoir construit Al-Kaaba, comme l'a affirmé Abul Fida Al-Allamatul Mufassir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Wa qala wa lam yaji fi khabar sahih 'an al-ma'soum أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit: et il ne nous est pas parvenu une information authentique exemptée de toute faute ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant que la Kaaba avait déjà été construite avant Ismaïl, avant Ibrahim. Pourquoi cela? Il fait référence à une divergence, car certains parmi les savants ont dit que les premiers à avoir construit le Kaaba étaient les anges et Adam. Naam, certains savants ont dit que les premiers à avoir construit le Kaaba, ce sont les anges avec Adam. Ibn Kathir dit qu'il n'y a aucune preuve de cela. Il n'y a aucune preuve de cela. Elle a été rénovée plusieurs fois. Elle a été détruite plusieurs fois. Les historiens ont dit: à l'époque d'un des grands-parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été restaurée pour la première fois. À l'époque de Qusay ibn Kilab. À l'époque de Qusay ibn Kilab, elle a été restaurée et elle a été rénovée. Elle a été restaurée et elle a été rénovée. La troisième étape, et ce que nous a cité ici l'auteur, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint 35 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint 35 ans. Quelle est la cause de cela? Deux événements majeurs. Le premier, c'est qu'une femme a voulu parfumer le tissu de la Kaaba. Elle a voulu parfumer le tissu de la Kaaba et elle a utilisé du bukhur. Naam. Et les étincelles ou le feu a attisé le tissu et ça a brûlé la Kaaba. Ajoutez à cela le deuxième événement. C'est qu'il y a eu une inondation. Une inondation telle que c'est rentré dans la Kaaba. Ça a effrité beaucoup de parties de cet édifice. Alors Quraysh s'est consulté pour détruire la Kaaba et la reconstruire à nouveau. Mais ils étaient très hésitants. Pourquoi? Ils avaient peur que la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala les touche en détruisant cet édifice ô combien sacré. Pourtant, c'était des associateurs. Mais de tout temps, ils immensifiaient Al-Kaaba. C'était des associateurs, mais ils immensifiaient la Kaaba. Aïna al-Rafida, al-Dullal, al-Anjas, من تعظيم كفار قريش لبيت الله الحرام. Où sont les Rafida, ces gens qui n'ont aucune part d'islam, ces gens qui n'ont aucune part d'islam, devant les actions des associateurs parmi Kuffar Quraysh? Kuffar Quraysh n'étaient pas adeptes de l'islam, c'était des associateurs, ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ils adoraient également. Malgré ça, ils immensifiaient le Kaaba, comme on l'a vu avec l'histoire d'Elfil, et comme on le voit dans cette histoire. Et tu trouves que Rafida menace d'attaquer Mecca et de détruire Al-Kaaba. Comment est-ce qu'après cela, certains pourraient dire que ce sont des musulmans? Comment est-ce qu'après cela, quelqu'un pourrait dire qu'ils ont du khayr? Naam, Allah al-Musta'an. Donc, ils se sont consultés et ont décidé de construire, de détruire Al-Kaaba et de la reconstruire. Si ce n'est que, en s'avançant, ils ont eu un problème, comme cela a été rapporté. C'est que, il y a eu un serpent, qui est venu, un grand serpent, et à chaque fois qu'il s'avançait, on ne les laissait pas s'approcher. Ils ont fait plusieurs tentatives. Mais ils n'arrivaient pas à s'approcher de la Kaaba. Au même moment, il y a un bateau qui est arrivé et se bat à Jeddah. À Jeddah, donc au bord de mer, et eux réunissaient ce qu'il fallait pour reconstruire la Kaaba. Et ça tombait bien, pourquoi? Car ils allaient utiliser donc ce bateau qui est arrivé et qui s'est échoué, qui était à Rome, aux Romains, et ils sont venus et ont pris donc ce bois et ont pris des matières de ce bateau pour rénover la Kaaba. Et chaque tribu de Quraysh ont réuni des pierres pour reconstruire la Kaaba. Lorsqu'ils ont voulu commencer à détruire la Kaaba, il y a eu donc l'histoire de ces serpents qui ne les laissaient pas s'approcher. فَلَمَّا أَرَادُوا هَدْمَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ الْبَيْتِ. Donc lorsqu'ils ont voulu s'approcher pour détruire la Kaaba, c'est alors que surgit un grand serpent. Il avait le dos noir et avait le ventre blanc. Et à chaque fois qu'il s'approchait, il s'avançait lui pour les mordre. Puis, ils se sont réunis et ont supplié, invoqué Allah tabaraka wa ta'ala tous ensemble afin de lui demander aide et secours dans cette affaire. Ils élevaient leur voix et invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et il n'y a rien d'étonnant dans cela, car lorsque les associateurs étaient dans la difficulté, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala seul d'un culte sincère, comme nous l'avons déjà étudié dans le Qawaid al-Arba'a et dans d'autres passages de nos livres. Alors ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant qalu ربنا لم نرع أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. Ils ont donc invoqué Allah Azza wa Jal en disant que ce qu'ils veulent faire ici, c'est reconstruire sa demeure, c'est le bien. Donc si cela vaut ton agrément, permets-nous de faire cela. Permets-nous de le faire. Et dans le cas contraire, alors fais ce que tu veux. Ils ont fasami'u, c'est alors qu'ils ont entendu un bruit, tel le bruit que fait la vache. Et ils ont vu un grand volatile arriver, se saisir du serpent et l'emmener plus loin. Ils ont alors pu détruire la Kaaba et la reconstruire. Naam. Ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés dans la construction de la Kaaba. Et ils avaient conditionné de ne prendre que ce qui est licite. Subhanallah. Kuffar Quraysh. Wathaniyun mushrikun. Malgré cela, ils immensifient le Kaaba à un point tel où ils ont conditionné. En disant, on apporte tout ce qu'on peut pour reconstruire la Kaaba à condition que ce soit halal. On n'accepte pas d'argent de la prostitution. On n'accepte pas d'argent du vol. On n'accepte pas de ceci, ni de cela, ni de ceci, ni de cela. Et ils ont donc réuni tout ce qu'ils ont pu. Dont le bois et les matières de ce bateau qui s'est échoué à Jeddah. Ils ont élevé la Kaaba de 20 coudées. Ils ont élevé la Kaaba de 20 coudées. Et ils n'ont pas pu finir la construction. Naam, ils n'ont pas pu finir cet édifice car ils n'avaient pas assez de matière. Comme ils avaient conditionné de prendre que du halal. Ils n'ont pas pu finir. Et c'est pour ça qu'il y a le demi-cercle que vous voyez à côté de la Kaaba, qu'on appelle comment ? Al-Hijr. Et que certains surnomment comment ? Hijr Ismail. Naam, certains disent même, prétendent même qu'Ismaïl y est enterré. Mais cette appellation n'a aucune base. Naam, Al-Hijr, c'est ce qu'on voit, l'espace qu'on voit, il y a un demi-cercle. Cet endroit à la base, sachez qu'il fait partie de la Kaaba. C'est-à-dire que la Kaaba s'étend jusqu'ici. Mais comme ils n'avaient plus assez de matière, ils se sont arrêtés où ils se sont arrêtés. Naam, ils se sont arrêtés où ils se sont arrêtés. Ensuite, il y a eu un grand événement. Quel est ce grand événement ? Ce que je vous ai lu et résumé, ici c'est le hadith de Abu Tufayl. Naam, et l'imam al-Dhahabi nous dit qu'il est authentique. Que s'est-il passé ? À ce moment-là, yani lorsqu'ils ont construit la Kaaba, ils ont divergé. À quel moment ? Ils ont divergé au moment de poser la pierre noire. Et un point très important à citer ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de la Kaaba, comme dans le hadith de Amir ibn Wathila. Amir ibn Wathila Abu Tufayl, naam, nous ont cité ce hadith. Ils nous ont cité ce hadith. Et on y trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, dans un autre hadith, la'allahu fi sahih Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ma ammi al-Abbas yanqulani al-hajar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son oncle Al-Abbas. Il était avec son oncle Al-Abbas. Et il portait les pierres. C'est alors qu'Al-Abbas lui a dit de prendre son izar. Le izar, c'est le tissu qui couvre la partie inférieure de l'homme. Il lui a dit, mets-le sur ton épaule. Parce que c'était douloureux pour porter la pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exécuté, mais sa nudité s'est dévoilée. Alors il est tombé, s'est évanoui, tellement qu'il était préservé par Allah Azza wa Jal de par sa pudeur. Et après cela, on ne l'a jamais vu se dénuder. Naam, lorsqu'il s'est réveillé, on avait couvert sa aura. Et dans une autre version, on lui a dit, khammir auratak, cache ta nudité. Cache ta nudité. Donc on voit ici, de manière évidente, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de la Kaaba. Et il avait à cette époque 35 années. Il avait 35 ans. Naam. Lorsqu'ils ont divergé et ont failli s'entretuer pourquoi ? Quel groupe parmi Quraysh allait poser la pierre noire ? Quel groupe parmi Quraysh allait mettre la pierre noire ? Chaque tribu disait, c'est nous qui allons poser la pierre noire. Ils ont divergé à un point tel qu'ils ont failli en venir aux mains. Et ils se sont donné rendez-vous pour s'entretuer. Et ils ont attendu ainsi pendant 4 nuits, voire 5. C'est alors que le plus âgé d'entre eux, leur a dit, pourquoi arriver à ce niveau ? Le mieux, il les a orientés, il leur a dit le mieux, et de dire au premier qui entrera par cette porte. Certains ont dit que c'était Banu Shaiba, d'autres ont dit un endroit parmi les endroits de l'entrée de la mosquée sacrée. Le premier qui entrera, on le prendra en tant que juge. Et c'est lui qui jugera parmi nous et on acceptera son jugement. Que s'est-il passé? Le premier à entrer était, ou bien fut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh s'est réjoui. Et on dit, Ja'a al-Amin, Ja'a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, voici le propre, voici Mohammed. Ils se sont réjouis de cela. Ils se sont réjouis de cela et lui ont raconté le problème. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah lui a accordé la réussite dans ce qu'il a dit, apportez-moi un vêtement. Ils lui ont apporté un vêtement. Puis il a posé la pierre noire dessus. Et a dit que chaque tribu envoie un homme de sa tribu. Naam, que chaque groupe, kullu batnin min butuni quraish yursilu rajulan, naam, fayahmil tarafan min al-izar. Que chaque minathou, que chaque personne, ou bien que chaque groupe parmi les tribus de Quraysh envoie un homme, puis il a dit aux hommes de prendre chacun un bout du vêtement. Ainsi, ils ont tous soulevé la pierre noire. Et arrivé au niveau, dans le hadith, il y a la citation du rukn. Ce qui est voulu par le rukn, c'est la pierre noire. Dans le hadith en arabe, le rukn, c'est-à-dire la pierre noire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses mains, s'est saisi de la pierre noire et l'a mis à sa place. Puis ils ont conclu et ils ont fini la construction de la Kaaba. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le tawfiq, la réussite qu'Allah azza wa jalla lui a accordée, de par sa grande intelligence et sa détermination dans cette affaire, a éteint une grande fitna dans son peuple. A éteint une grande fitna dans son peuple. Ils ont tous accepté sa parole et ont tous agréé son jugement. Et l'homme qui était âgé se nomme Abu Umayya ibn al-Mughir, l'homme qui a dit qu'on acceptera le jugement du premier venu et qui était le plus âgé, se nomme, ou bien on rapporte que c'est Umayya, ou bien Abu Umayya ibn al-Mughir ibn Abdillah al-Makhzoumi. Naam. Ibn Hisham a cité en détail cette qissa quant à l'histoire de la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Al-Abbas, son oncle. Cette histoire est citée dans Sahihay. Cette histoire est citée dans le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam muslim selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu. Et de cette histoire on tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de la Kaaba. On tire également qu'il était très intelligent et qu'il s'impliquait dans les affaires de son peuple. Troisièmement, les savants disent qu'il convient aux prédicateurs, qu'il convient aux prêcheurs d'être connus en bien dans son peuple pour que son prêche ait de bons effets. Naam. On voit ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, immédiatement ils se sont réjouis. Ja Muhammad, Ja al-Amin. Naam. Et ils ont accepté son jugement et ils l'ont agréé. Car il connaissait de lui sa véracité. Il connaissait de lui son caractère responsable et le fait que c'était un nasih, c'était un noble conseiller dans son peuple. Voici pour l'histoire de la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Kaaba, à la construction de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, avant de décéder, il avait dit à Aïcha que si son peuple n'avait pas été depuis peu dans l'islam, il aurait détruit la Kaaba. Il aurait reconstruit selon l'édifice qu'avait fait Ibrahim, selon les fondations les fondements de Ibrahim, avec une porte pour y entrer et une porte pour en sortir. Et il l'aurait agrandi et élevé. C'est-à-dire qu'il l'aurait remise exactement comme l'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que ceci a eu lieu. Cela a eu lieu au temps de Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, a détruit la Kaaba et il l'a reconstruite sur les fondements d'Ibrahim alayhi salam. Sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Mais ceci après deux grands événements. Le premier, c'est sa bataille avec Yazid ibn Muawiyah, rahimahullah, wa radiallahu an Muawiyah, khal al-mu'minin. Premièrement, lors de la guerre entre Bani Umayya et Ibn Zubayr, radiallahu an al-sahaba, rahimahullah. À l'époque des derniers compagnons comme Abdullah ibn Abbas et d'autres, à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, il y a une guerre lorsque certains ont prêté allégeance à Ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn Awwam, dont la mère est Asma, la sœur de Aisha radiallahu anha, l'épouse de Zubayr. Il y a eu une guerre car les gens ont prêté allégeance à Abdullah ibn Zubayr, donc c'est devenu le gouverneur. Mais les gens de Sham ont prêté allégeance à d'autres. Donc, ils se sont disputés le pouvoir. Et Abdullah ibn Zubayr a préservé Al-Haram. Eux ont voulu attaquer Abdullah ibn Zubayr. Ils lui ont donc fait un blocus, un hissar, et n'ont pas réussi à entrer dans Al-Masjid al-Haram. D'accord ? Ils n'ont pas réussi à s'approcher de la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fabriqué une catapulte. Naam, c'est comme ça qu'on dit le Mdianik. Ils ont fabriqué une catapulte pour lancer et attaquer de loin. Que s'est-il passé ? Ils ont touché la Kaaba. Ils ont donc abîmé la Kaaba. Puis, ils n'ont pas réussi à battre Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu wa rahimahullah. Plus tard, Yazid ibn Muawiyah est décédé. Et lui a succédé Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala chez Banu Umayya. Il a fait la guerre à Ibn Zubayr. Il a gagné en Irak et il ne lui restait que le Hijaz. Mais Abdullah ibn Zubayr était quelqu'un de très brave. Il n'a donc pas cédé. Jusqu'à l'époque où il a envoyé l'un de ses généraux qui se nomme Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Cet homme-là a fait la guerre à Abdullah ibn Zubayr et n'arrivant pas à le faire sortir et n'arrivant pas non plus à y entrer, il a lui aussi fait construire des catapultes. Si ce n'est que lui les a utilisées sévèrement, au point d'assassiner de nombreuses personnes de Mecca et au point de détruire une partie de la Kaaba. Puis, ils ont réussi à assassiner Abdullah ibn Zubayr et remporter ce combat. Entre eux, Yazid ibn Muawiyah et Abdul Malik ibn Marwan, entre cet espace-là, Abdullah ibn Zubayr a reconstruit la Kaaba. Il a reconstruit la Kaaba et avant cela, il a attendu Mawsim al-Hajj, Lorsqu'il a eu l'intention de faire cela, il a attendu moi aussi mon hajj. Il a réuni les gens et il leur a dit, oh vous les gens, ne voyez-vous pas l'état de la Kaaba? J'ai la ferme intention de la restaurer, de la détruire et de la reconstruire comme Ibrahim alayhi salam l'avait fait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ma tante Aïcha radiallahu anha, Laula anna qawmaki hadithu ahdin bi kufr ou bi islam, la naqadtu al-ka'bata wa la a'adtuha ala qawa'id Ibrahim. Si ton peuple n'était pas nouveau en islam, ou plutôt Abdullah ibn Zubair a consulté les gens du Hajj, les gens de Quraysh, il leur a dit qu'il voulait refaire la Kaaba comme l'avait fait Ibrahim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa tante Aïcha que si ton peuple n'était pas tout nouveau en islam, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme l'a fait Ibrahim sur ses mêmes fondations. Naam, quelle était la différence avec l'époque de Quraysh? Plusieurs différences. La première, la porte d'entrée, ils l'ont élevée. Quraysh a élevé la porte d'entrée pour que eux seulement jugent qui entre dans la Kaaba et qui n'entre pas dans la Kaaba. Alors qu'à la base, la porte est au sol, à même le sol. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aurais fait une porte pour entrer, une porte pour sortir, pour faciliter. Naam. Troisièmement, je l'aurais agrandi, comme c'était au temps d'Ibrahim. Et j'aurais fait entrer le hijr. Et j'aurais fait entrer le hijr. Et je l'aurais également élevé. C'est-à-dire, je l'aurais remise exactement comme à l'époque d'Ibrahim. Alors, Abdullah ibn Zubair leur a proposé cela. Certains ont dit oui, et Abdullah ibn Abbas s'est opposé. Il s'est opposé. Il lui a conseillé de ne pas faire cela. Puis Abdullah ibn Zubayr a dit, Wallahi, si l'un d'entre vous avait une maison qui avait brûlé ou qui avait été détruite, il n'aurait pas agressé ce n'est de la refaire. Alors je vais pendant 3 nuits consulter mon Seigneur, faire l'istikhara, et ensuite je vous tiendrai informé. Puis il est revenu et a dit, je suis déterminé dans mon œuvre. Et il a détruit la Kaaba et a reconstruit la Kaaba comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le faire. Puis lorsque le Hajjaj ibn Yusuf l'a attaqué, il a touché à nouveau la Kaaba. Et lorsqu'il a gagné cette bataille-là, il est parti informer Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala de ce qu'a fait Abdullah ibn Zubayr. Et Abdul Malik rahimahullah ta'ala a dit, « Ma avunnu anna Abdullah sami'a dhalika min ummi al-mu'minin. » Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala a dit, je ne pense pas que Abdullah ibn Zubayr a été véridique. Je ne pense pas qu'il a entendu ce hadith. Alors il a ordonné al Hajjaj de retourner et d'ordonner à ce que la Kaaba soit détruite à nouveau et qu'elle soit reconstruite comme à l'époque de Quraysh. Naam, comme à l'époque de Quraysh. Pourquoi il a fait cela? Car il pensait que Abdullah ibn Zubayr, qui est un véridique et qui était très pieux, n'était pas, yani n'avait pas entendu cela de la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha. Et tout ceci a eu lieu vers les années 80 ou avant, entre les années 70 et 80, après Al-Hijra. Après Al-Hijra. Et Mada. Par la suite, Naam, par la suite, Abdul Malik ibn Marwan, c'est comme s'il a regretté son action. Pourquoi? Car un jour, il a dit, Ma avunnu, je ne pense pas que Abdullah ibn Zubayr a entendu cela. Et il y avait dans son assise un homme qui se nomme Al-Harith ibn Abdullah. Al-Harith ibn Abdullah. Quand Al-Harith ibn Abdullah a entendu le gouverneur Abdul Malik ibn Marwan dire, je ne pense pas que Abdullah ibn Zubayr a été véridique lorsqu'il a dit que le prophète sallam a dit, j'aurais détruit la Kaaba, je l'aurais reconstruit, Al-Harith lui a dit, ne dis pas ça au gouverneur, moi-même j'ai entendu cela de Aïcha. Moi-même j'ai entendu cela de Aïcha. Comment est-ce qu'il s'appelle? Al-Harith ibn Abdullah. À ce moment-là, Abdul Malik ibn Marwan, c'est comme s'il a regretté son action. C'est comme s'il a regretté son action. Donc, il y a eu la construction de Ismaïl, de Ibrahim et de son père Ismaïl alayhi salam. Puis Qusay ibn Kilab l'a restauré. puis Quraysh lorsque le prophète sallam avait 35 ans, puis Abdullah ibn Zubayr entre l'année 70 et 80 après l'Hijra. Puis elle a été restaurée. Naam, elle a été restaurée plusieurs fois par les califes. Elle a été restaurée plusieurs fois par les califes. Et parmi ce qui a été fait, à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, le fait qu'il a éloigné Maqam Ibrahim. Il a éloigné Maqam Ibrahim d'une certaine distance afin de faciliter le tawaf et la prière pour les pèlerins et pour ceux qui adorent dans cet endroit Allah subhanahu wa ta'ala. Voici l'histoire de Mecca et voici l'histoire de la construction de la Kaaba. On tire de cette qissa plusieurs fawaïd. Parmi cela, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était agréé dans son peuple. Naam, il était agréé dans son peuple. Et c'est comme si on le prédisposait à recevoir le message. Il a été capable de réunir son peuple sur le haqq. Il devra avoir les épaules pour assumer une lourde responsabilité qu'il ignorait encore à cette époque. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وبعد عام أربعين أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقولا. وبعد عام أربعين, après qu'il eut atteint 40 ans, complété 40 ans, أرسل, il a été envoyé, c'est-à-dire il est devenu prophète sallallahu alayhi wa sallam. في يوم الاثنين يقينا فانقولا, quel jour il a reçu pour la première fois la révélation? Fiyawmi l'ithnayni yaqinan. C'était un lundi, avec certitude, tu peux transmettre cela. Pourquoi est-ce que l'auteur nous dit yaqinan avec certitude? Lianna hadha thabat. Car cela est venu dans des hadiths authentiques, sur lesquels il n'y a aucun doute. À un point tel que Al-Allamah ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la khilafa fi dhalik. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zad al-Ma'ad nous dit qu'il n'y a aucune divergence dans cela. Fi Ramadan aw Rabi'in al-Awwal wa surah qira' awwal al-munazzal. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit fi Ramadan aw Rabi'in al-Awwal, durant le mois de Ramadan ou bien Rabi' al-Awwal. Donc ici, il fait référence à une divergence. Ici, il fait référence à une divergence, c'est-à-dire, quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt dans quel mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois la révélation? Dans le mois de Ramadan ou dans le mois de Rabi' al-Awwal? Puis il nous cite la première chose qu'il a reçue comme Qur'an, « Wa suratu qra awwalul munazzali » et la suratu iqra est la première chose qu'il a reçue. C'est-à-dire les cinq premiers versets de Suratu Iqra. C'est-à-dire les cinq premiers versets de Suratu Iqra. بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا ورحمة للعالمين. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint ou a complété la 40e année de sa vie, Allah tabaraka wa ta'ala l'a élu, choisi et en a fait un prophète en lui révélant les premiers versets de Suratu Iqra. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, bu'itha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li 40 sana. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Lorsqu'il a eu 40 ans, il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il n'y a aucune divergence sur le fait qu'il a été, ou bien qu'il est devenu prophète un lundi. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. Et ceci de manière, yani sûr, c'est pour cela que l'auteur nous dit yaqinan. Il nous dit yaqinan, pourquoi? Parce que dans le recueil de l'imam muslim, dans le recueil de l'imam muslim, selon Abu Qatada radiallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi l'ithnain faqala dhaka yawmun wulidtu fih wa bu'ithtu fih. Pourquoi cela? Car dans Sahih Muslim, le hadith d'Abu Qatada nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi? Pourquoi est-ce que tous les lundis tu fais siyam? Il a répondu: c'est le jour où je suis né et le jour où j'ai reçu la révélation. Et le jour où j'ai reçu la révélation. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet. Walhamdulillah. Alhamdulillah wa ba'd. Puis l'auteur nous dit: Fi Ramadana au Rabi'il Awali wa Surat Uqra Awalul Munazzali. L'auteur nous dit que la révélation a eu lieu pour la première fois, soit dans le mois de Ramadan, soit dans le mois de Rabi' al-Awwal. Il fait référence ici à la divergence entre les savants sur le mois dans lequel, pour la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Zadul Ma'ad: La khilaf anna mab'athahu sallallahu alayhi wa sallam kana yawm al-ithnayn. واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل. هذا قول الأكثرين. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: il n'y a aucune divergence quant au fait que c'était un lundi, mais il y a une divergence sur le mois. Il y a une divergence sur le mois dans lequel il a reçu pour la première fois la révélation. Il fut dit après 8 jours ou nuits du mois de Rabi' al-Awwal. Et ceci est la parole de la plupart des gens de science. La plupart des gens de science, alors que le prophète sallam avait complété 40 ans. Naam, il allait sur sa 41e année. Il y en a 41 ans après l'année de Al-Fil. وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة. Il nous dit, donc le deuxième avis, il fut dit au contraire que ceci a eu lieu dans le mois de Ramadan, et ceux qui ont pris et retenu cet avis ont argumenté en citant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans surat al-Baqarah, verset 135: le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Voici leur preuve: le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé, sous la traduction de ce verset. Et ils ont dit: la première chose par laquelle Allah azza wa jalla a honoré son messager en révélation du Coran a été donc, ou bien le mois dans lequel il a reçu pour la première fois la révélation était dans le mois de Ramadan. Et ceci est l'avis d'un autre groupe. Al-Awwaluna qalu, ceux qui ont dit qu'il a reçu la révélation dans le mois de Rabi' al-Awwal ont répondu en disant: innama kana inzalul qur'ani fi Ramadan jumlatan wahidatan fi laylatil qadr ila baytil izza thumma unzila munajjaman bihasabil waqa'i' fi 23 sanah. Donc ceux qui ont dit que c'était durant le mois de Rabi' al-Awwal ont répondu en disant: concernant ce verset et les textes qui montrent que le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, certes il a été révélé dans le mois de Ramadan, mais il a été révélé entièrement. Dans le mois de Ramadan, il a été révélé entièrement durant la nuit de Laylatul Qadr. Le Coran a été révélé d'un trait entièrement durant la nuit de la destinée ou bien la grande valeur Laylatul Qadr ila Baytil Izza. Pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il lui a été révélé, donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, progressivement selon les différentes situations et différents événements. Naam, différents événements. Donc c'est ainsi qu'ils ont uni entre ceci et cela. Quant à la, yani même si ce qui apparaît, comme ça a été cité dans le hadith que l'imam al-Albani rahimallahu ta'ala a retenu, lorsqu'on a dit quand est-ce que les livres saints ont été révélés, c'était durant le mois de Ramadan, que ce soit l'Injil, que ce soit le Torah, que ce soit, naam, ma stahdir al-hadith, je n'ai pas le souvenir du hadith, on le cite souvent pendant le mois de Ramadan, naam, faites-moi penser à le citer la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Quant au Coran, min ihda wa ishrina, dans le hadith, on nous dit que le Coran a été révélé après 21 nuits du mois de Ramadan. Après 21 nuits du mois de Ramadan. Naam, donc il a été révélé, Laylatul Qadr, c'était le 21. Naam, wallahu a'lam. C'est ce qu'on comprend du hadith. Ensuite, l'avis de la plupart est de dire que ce moment-là, il a été révélé, certes, mais il a bâti l'izzah, non pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis selon les événements, il recevait petit à petit Mada al-Qur'an. Puis l'auteur nous dit wa suratu qra awwalul munazzali. La suratu iqra est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Ceci a été affirmé dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Et ce grand, ou plutôt le recueil d'Imam Bukhari. Naam, j'en doute à ce qu'il est dans le recueil d'Imam Muslim aussi. Ala kulli hal, le premier chapitre dans Sahih al-Jami', le livre le plus authentique après le Coran, le premier livre, yani qu'on appelle Kitab, c'est Kitabu Bad'il Wahi. Naam, Bad'il Wahi, le commencement de la révélation. Le commencement de la révélation. Et le premier chapitre, c'est Bab, Kayfa kana Bad'ul Wahi ila Rasulillah. Comment s'est passé le début de la révélation sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le long hadith connu dans Sahih al-Bukhari. C'est un des premiers hadiths. C'est le hadith numéro 3. Naam, quand vous rentrez chez vous, inshallah ta'ala, vous lisez le troisième hadith dans Sahih al-Bukhari. Il y a l'histoire de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la venue de Jibril. Il reste combien de temps avant l'iqama? Taïb. Vu que le hadith est long et que certains ne voudront pas patienter jusqu'à la fin de l'écoute de ce hadith, naam, ماذا, on reporte inshallah ta'ala à la lecture de ce hadith magnifique sur le commencement de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le lira inshallah ta'ala la semaine prochaine. Wallahu a'lam. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ceux qui ont mémorisé, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, venez réciter avant le cours et on distribuera